Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 58. Criez, ne cesse point. Comme la trompette, élève ta voix, et annonce à mon peuple ses crimes, et à la maison de Jacob ses péchés. Car c'est moi que de jour en jour ils cherchent, et ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et qui n'aurait pas abandonné le jugement de son Dieu. Ils me demandent des jugements de justice, et ils veulent s'approcher de Dieu. Pourquoi, disent-ils, avons-nous jeûné et n'avez-vous pas remarqué? Pourquoi avons-nous humilié nos âmes et ne l'avez-vous pas su? Voici qu'au jour de votre jeûne se trouve votre volonté, et que vous poursuivez vos débiteurs. Voici que vous jeûnez pour susciter des procès et des querelles, et que vous frappez du poing impitoyablement. Ne jugez pas comme jusqu'à ce jour, pour que vos cris retentissent dans l'air. Est-ce que le jeûne que j'ai choisi est tel que pendant un jour un homme afflige son âme, contourne sa tête comme un cercle et se couvre d'un sac et de cendres? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne et un jour agréable au Seigneur? Le jeûne que j'ai choisi n'est-il pas celui-ci? Romps les liens de l'impiété, délie les faisceaux accablants, renvoie libres ceux qui sont opprimés et brise tout fardeau. Romps ton pain pour celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les indigents et ceux qui errent sans asile. Lorsque tu verras quelqu'un nu, couvre-le, et ne méprise point ta chair. Alors ta lumière éclatera comme le matin, et bientôt ta guérison se montrera. Ta justice marchera devant ta face, et la gloire du Seigneur te recueillera. Alors tu invoqueras le Seigneur, et le Seigneur t'exaucera. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu ôtes du milieu de toi la chaîne, et si tu cesses d'étendre le doigt et de dire ce qui n'est pas utile. Si tu prodigues ton âme à celui qui a faim, et si tu remplis de consolation une âme affligée, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ténèbres seront comme le midi. Et le Seigneur te donnera le repos sans interruption, et il remplira ton âme de splendeur. Il délivrera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une fontaine d'eau à laquelle les eaux ne manqueront pas. Et par toi seront remplis d'édifices des lieux déserts depuis des siècles. Tu relèveras des fondements abandonnés pendant plusieurs générations, et tu seras appelé constructeur de haies, mettant les sentiers en repos. Si tu t'abstiens à cause du sabbat d'avancer ton pied et de faire ta volonté dans le jour qui m'est consacré, si tu appelles le sabbat délicieux, jour du Seigneur saint et glorieux, si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, et si tu ne mets pas ta volonté à dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices dans le Seigneur. Je t'élèverai sur les hauteurs de la terre, et je te nourrirai avec l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche du Seigneur a parlé. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.